الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وفينيغ لو شابيتر المعاصي تعمي القلب les péchés aveuglent le cœur. On avait cité qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala expliquait que la perfection humaine passe par deux choses, par deux étapes. La première, la science utile et sa mise en pratique. La seconde, la transmission et l'endurance. La transmission et l'endurance. Et par cela, Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ses messagers et de ses prophètes. Puis il nous a montré que les gens sont devant ces points-là dans différentes catégories. Dans la connaissance et la mise en pratique. Plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « وَهَذَا كَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ تُنَوِّرُ الْقَلْبَ وَتَجْلُوهُ وَتَسْقُلُهُ وَتُقَوِّهِ وَتُثَبِّتُهُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمِرْآةِ الْمَسْقُولَةِ فِي جَلَائِهَا وَصَفَائِهَا فَيَمْتَلِئَ نُورًا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه يصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. De la même manière que l'obéissance à Allah illumine, éclaire, polie, renforce et affermit le cœur, au point qu'il devienne comme le miroir poli dans sa brillance et sa limpidité et se remplisse de lumière. Donc, celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, ça noircit son cœur au point de l'aveugler. Quant à celui qui obéit Allah tabaraka wa ta'ala, cela illumine son cœur, nettoie son cœur. Lorsque Shaytan s'approche de celui qui est obéissant, s'approche et tente d'atteindre le cœur de celui qui est obéissant, il est atteint par sa lumière. Comme le démon qui cherche à écouter au ciel est frappé par un météore transperçant, Shaytan est plus effrayé par ce cœur que le loup ne craint le lion. Et celui qui le possède terrasse Shaytan qui tombe bien vite. Puis les démons se rassemblent autour de lui et se disent « Que lui est-il arrivé ?» On leur répond « Il a été frappé par un être humain. Il a été atteint par le regard d'un homme. » Lorsque Shaytan tente de s'approcher de celui qui est proche d'Allah, de celui qui est sous la protection d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala défend son serviteur. Allah tabaraka wa ta'ala protège son serviteur. Et il repousse ses ennemis à leur tête, ash-shayatin. Faya nadratan fi qalbi hurrin munawwari yakadu laha ash-shaytanu bin nuri yuhraku. Il fut dit: un regard émanant d'un cœur libre et illuminé qui brûle pratiquement Shaytan de par sa lumière. أَفَيَسْتَوِي هَذَا الْقَلْبُ وَقَلْبٌ مُظْلِمَةٌ أَرْجَاؤُهُ مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاؤُهُ قَدْ اتَّخَذَهُ الشَّيْطَانُ وَطَنَهُ وَأَعَدَّهُ مَسْكَنَهُ إِذَا تَصَبَّحَ بِطَلْعَتِهِ حَيَّاهُ وَقَالَ فَدَيْتُ مِنْ قَرِينٍ لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: ce cœur, c'est-à-dire illuminé de par l'obéissance à Allah, est-il semblable au cœur dont tous les recoins sont ténèbres, le cœur du pécheur, dont les passions sont diverses, que Shaytan a pris comme lieu et demeure. Le cœur du pécheur a comme habitant Shaytan. Et qui au matin le salue, Shaytan salue le pécheur et le désobéissant. Il lui dit: j'ai été remplacé par un compagnon qui ne réussira rien, ni en cette vie ni dans l'au-delà. Shaytan, sa mission est de pousser les gens au péché afin qu'ils soient comme lui le combustible de l'enfer. Donc lorsqu'il trouve un pécheur qui sème le désordre sur la terre d'Allah, il se réjouit de cela, car il a une aide et un allié en cela, iyadhan billah. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان. Et dans le poème, il est ton compagnon en cette vie après la résurrection. Tu es mon compagnon en tout lieu, si tu es dans la demeure du malheur. Toi et moi sommes ensemble dans le malheur et le déshonneur. C'est le poème du shaitan adressé aux pécheurs. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبعد فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكرنا وهو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراض عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارق في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى بئس العشير. Et dans le verset, sur la traduction des sens de celui-ci, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Les démons obstruent le droit chemin et pensent être bien guidé jusqu'à ce que l'homme parvienne à nous et dise à son démon: si seulement il y avait entre toi et moi la distance entre les deux orients, l'est et l'ouest, quel mauvais compagnon tu es. Il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. Allah informe du fait que celui qui se détourne et s'écarte de son rappel, qui est le livre, qui est le Coran, qui est son livre révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, sa clairvoyance s'en détournera de la compréhension et de la méditation de ce livre, ainsi que de la connaissance de ce qu'Allah a voulu de lui. Allah lui assigne un démon, un shaitan, comme un châtiment pour s'être détourné de son livre. Il est donc son compagnon qui ne le quitte jamais, qu'il soit résident ou voyageur. Et il est son maître et son clan. Et quel mauvais maître et clan. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui s'éloigne du Coran, celui qui se met à suivre ses passions, aura comme allié, comme fréquentation, un shaytan. On lui met un shaytan, na'am, qui ne cessera d'être à ses côtés dans tout moment, dans tout instant. Et yom al-qiyamah, lorsqu'il n'y aura plus de possibilité de se repentir et de revenir fi dunya et de se corriger, à ce moment-là, na'am, il va regretter. Et il aurait tant espéré qu'il y ait la plus grande distance et le plus grand éloignement entre lui et ce démon, alors qu'il a fait tout cela de ses propres mains suite à ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ensuite qu'ils vont être unis, les gens du mal, en enfer. Malgré ça, ça leur sera d'aucun bénéfice. À la base, lorsque les gens sont unis dans une épreuve, ça allège l'épreuve, n'est-ce pas? Allah azza wa jalla montre qu'en enfer et lors de la punition, cette association dans le mal, le fait qu'ils soient réunis en enfer, ça ne les soulagera en rien. رضيعا لبان ثدي أم تقاسم بأسهم داج عوض وبعوض لا نتفرق. comme deux frères allaités par le sein d'une même mère et qui dans la nuit noire auraient fait le serment de ne plus jamais se quitter. Ça, c'est l'image du pécheur et du shaitan. Naam, ils ne vont jamais être séparés. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصول إليه وإلى جنته ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وغويتني حتى هلكت وبئس القرين أنت لي اليوم. Puis il a informé du fait que Shaitan obstrue à son compagnon le chemin menant à Allah et son paradis, alors que cet égaré pense qu'il est sur la guidée. Celui qui est égaré, qui est dans ses passions, de par les ténèbres qui habitent son cœur et son éloignement de la lumière de la science, dans son péché, dans son égarement, il arrive à un niveau où il se voit sur la bonne voie, sur la voie droite et la guider. Jusqu'à arriver Yom Al-Qiyam, le jour de la résurrection, alors l'un dira à l'autre, l'homme dira au shaitan, l'un dira à l'autre, si seulement il y avait entre moi et toi la distance qui sépare les deux orients, l'est et l'ouest. Quel mauvais compagnon tu fus pour moi en ce bas monde. Tu m'as égaré de la guider après qu'elle me soit parvenue. Tu m'as obstrué le chemin de la vérité et tu m'as fourvoyé jusqu'à ce que je périsse. Et quel mauvais compagnon tu es pour moi aujourd'hui. Tous ces regrets, toutes ces paroles ne seront d'aucune utilité. Ces choses-là, il faut les avoir dans ce bas monde. Il faut se séparer des mauvaises fréquentations. Il faut se séparer des causes qui amènent à l'anéantissement dans ce bas monde et l'au-delà. Quant à ces paroles et ces regrets, Yawm al-Qiyama, ils ne seront d'aucune utilité. Et parmi les sujets traités dans le Coran et la Sunna, ce sont les disputes qu'il y aura Yawm al-Qiyama entre les gens de l'égarement. Il y a plusieurs passages dans le Coran, si on médite, on verra qu'Allah Azza wa Jal a cité les disputes qu'il y aura entre les gens de l'enfer. Yawm al-Qiyama, ils vont se renvoyer là les accusations. En enfer, ils vont se renvoyer les accusations. À un point tel où chacun va accuser l'autre. C'est toi qui m'as égaré, c'est toi qui m'as fait tomber dans ça. Les faibles vont accuser les forts vont se décharger de toute responsabilité. À la fin, la finalité de tout cela, lorsqu'ils auront fini de s'accuser mutuellement, ils vont dire, allons voir la base de tout ce mal. Qui est-ce ? Al-Shaytan, leur guide à tous, leur imam, l'imam du dalal. Et cela est mentionné en sourate Ibrahim. Ils vont aller le voir et ils vont lui dire c'est de ta faute. Et à ce moment-là, il va se désavouer de tous. Et il va leur dire je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai engrainé, vous m'avez suivi. Je ne peux rien faire pour vous aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire pour moi aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils vont tous s'accuser mutuellement, mais ça ne sera d'aucune utilité. À un point tel qu'ils vont faire dua pour qu'un tel souffre plus parce que c'est lui la cause. Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera l'ensemble. Et il augmentera le châtiment pour tout le monde. Ça c'est la finalité des mauvaises fréquentations. Ça c'est la finalité des péchés. C'est le fait que les gens s'accusent mutuellement. C'est le fait que les gens sont tous dans le problème et que ça n'allège en rien leur situation. Et au final, ils périssent tous, iyadan billah. Donc la seule voie, la seule solution, le seul salut, c'est de délaisser le péché et de revenir à Allah Azza wa Jal. C'est de délaisser le péché et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lamma kana al-musab idha sharaka wa ghayruhu fi musibatihi hasala lahu بالتأسي نوع تخفيف وتسلية أخبر الله سبحانه أنه هذا غير موجود أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإذا كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مثلاتا كما قالت الخنساء في أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Et puisque lorsque quelqu'un est associé au malheur, cela entraîne une forme de réconfort et d'atténuation. Lorsque plusieurs personnes sont touchées par le même problème, ça console en quelque sorte et ça allège quelque peu la douleur de la personne qui est éprouvée, n'est-ce pas ? Allah a informé du fait que cela ne se produit pas pour ceux qui se sont associés dans le châtiment. Ceux qui étaient de mèche dans ce bas monde, dans les péchés, lorsqu'ils vont se retrouver en enfer et qu'ils vont être unis et associés dans ce mal, ça ne diminuera en rien leurs problèmes, leurs malheurs, leurs souffrances. On n'éprouve aucun repos et aucune joie à voir son compagnon châtié avec soi. Même si en ce bas monde, lorsque les fléaux frappent tout le monde, il existe une forme de consolation. Comme l'a dit Al-Khansa de son frère Sakhar. Si ce n'était le grand nombre, yani Al-Khansa a perdu son frère, il est décédé. Puis elle a dit ces vers de poésie. Si ce n'était le grand nombre autour de moi, de ceux qui pleurent leur frère, je me serais suicidé. Al-Khansa a été éprouvé par la mort de son frère. Puis elle dit, il y a beaucoup de gens autour de moi qui pleurent, eux aussi parce qu'ils ont perdu leur frère. Elle dit, sans cela, je me serais suicidé. C'est-à-dire que ça la console et ça diminue de sa souffrance. Il ne pleure pas de semblable à mon frère. Et mon frère est le meilleur. Non. Mais malgré ça, on est unis dans le problème, ça m'allège. Mais de les voir pleurer ainsi, allège mon chagrin. De les voir pleurer ainsi, allège mon chagrin. Au Sahr, je ne t'oublierai jamais jusqu'à quitter ce monde et parvenir à ma sépulture. Allah a privé les habitants de l'enfer de ce peu de consolation. Ainsi, il dit, il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. Voici la fin de ce chapitre. Donc les péchés aveuglent le cœur. Le chapitre suivant est un chapitre des plus étonnants et un des chapitres où tu vois combien Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala se distinguait de par sa science et sa capacité à retranscrire la guerre entre Shaytan et Ibn Adam, la guerre entre le parti du mal et le parti du bien, la guerre qu'il y a entre Hizbou Shaytan et Hizbou Rahman subhanahu wa ta'ala. ومن عقوبة أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارق طرفة عين وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه يراه وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال لا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه واستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس وقد نصب له الحبائل وباله الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فسببه من أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: les péchés sont des renforts donnés par l'homme à son ennemi, une armée par laquelle il le renforce contre nous, contre lui-même. Celui qui fait des péchés, c'est comme s'il apportait des armes à son pire ennemi, alors qu'il est en guerre avec lui. C'est comme s'il aidait son ennemi, c'est comme s'il lui apportait des armes pour qu'il les utilise contre lui-même, contre sa propre personne. Car Allah a éprouvé l'homme en lui attribuant un ennemi qu'il ne le quitte pas, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, ne se détourne jamais de lui, et qu'il le voit, lui et son camp, d'où l'homme ne peut le voir. Al-Shaytan et son armée, Al-Shayatin, eux, peuvent nous voir. Quant à nous, on ne peut les voir. Donc de combattre un ennemi que tu ne vois pas, ça n'est pas chose facile. Si ce n'est que Allah Azza wa Jal t'a légiféré des invocations, t'a légiféré le fait de chercher le refuge auprès de lui et la protection auprès de lui, et de par son obéissance et de par l'évocation et sa mention, tu es protégé, préservé du shaitan et de son armée. Un shaitan et son armée, il déploie tous les efforts pour s'opposer à lui en toute occasion. Il n'abandonne pas une chose par laquelle il peut ruser contre lui et l'atteindre sans la pratiquer. Et il utilise pour cela les enfants de son père, les enfants de Shaitan, parmi les démons, les djinns, et d'autres parmi les démons humains. Shayatin, ce sont ceux qui s'opposent à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, chacun à son niveau. Parmi les Shayatin, il y a la descendance du Shaitan. Et il y a aussi Shayatin ou l'ins. Il y a aussi les Shayatin parmi les humains, ceux qui sont les alliés du Shaitan, et qui poussent à la désobéissance, et qui sont eux-mêmes sur la voie du shaitan, sur la désobéissance. Il lui tend des guet-apens, lui provoque des calamités, et tend autour de lui des filets et pièges. Il dit à ses soutiens: devant vous se trouve votre ennemi. Un shaitan emprunte tous les chemins qui peuvent égarer Ibn Adam. Il ne manque pas une occasion pour l'égarer, et il met en œuvre tout ce qu'il possède pour l'égarer afin qu'il s'unisse avec lui dans le châtiment Yom al-Qiyama en enfer. Ça, c'est le but du shaitan. Et il dit à ses soutiens, à son armée, au shayatin: devant vous se trouve votre ennemi et celui de votre père. C'est-à-dire le shaitan Iblis. Iblis dit au shayatin: devant vous, en montrant toi Ibn Adam qui craint Allah, devant vous se trouve votre ennemi et celui de votre père, c'est-à-dire Iblis. Qu'il ne vous échappe pas. Combattez-le et qu'il ne vous échappe pas. Qu'il n'obtienne pas le paradis et la miséricorde d'Allah. Qu'il n'obtienne pas le paradis et la miséricorde. Et vous, l'enfer et la malédiction. Yani, nous, on est inscrits en enfer. Alors il faut que lui vienne avec nous. On ne veut pas être les perdants seuls. Non. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens des passions et des péchés. Ils sont dans le haram. Ils ne veulent pas te laisser toi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Ils veulent te tirer dans leur truc. Et ils veulent que tu périsses avec eux parce qu'eux n'ont pas eu la réussite. Ils veulent que toi aussi tu échoues. Eux n'ont pas réussi à obéir à Allah. Ils ne veulent pas que toi tu lui obéisses. Et ils veulent te tirer dans leur passion. Wal'iyadu billah. Vous savez ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à vous, comme humiliation, malédiction, éloignement de la miséricorde d'Allah. Et cela est arrivé par sa faute et par sa cause. L'histoire de Adam et de Al-Shaytan, dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Al-A'raf et autres. Al-Shaytan a péri lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam pour Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a maudit depuis ce jour-là. Et il l'a exclu de sa miséricorde et de son paradis. Puis Al-Shaytan, Iblis, a demandé une permission à Allah jusqu'à Yom Al-Qiyam. Et il a pris l'engagement de tous nous égarer, sauf les serviteurs pieux et sincères parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il s'est fait l'ennemi de Adam. Il a jalousé Adam, alayhi salam. Il dit que c'est de la faute de Adam et par sa cause. Alors déployez tous vos efforts afin qu'il nous soit associé dans ce malheur, puisque nous avons manqué d'être associés aux pieux d'entre eux au paradis. Et Shaitan dit: nous, on a perdu cette association, on ne pourra plus être avec eux. Alors il faut que nous, on les associe à nous dans notre œuvre et qu'on les fasse entrer avec nous en enfer. Iyadan billah. Allah nous a informé de tout cela concernant notre ennemi et il nous a ordonné de nous préparer contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran qu'on a un ennemi. Naam. Allah azza wa jalla nous a enseigné que Iblis, shaytan, adou, c'est un ennemi. Et il nous a ordonné de le considérer comme tel. Fattakhidhuhu adouwa. Innahu yad'u hizbahu. Qu'est-ce qu'il fait, shaytan? Il invite son parti et il nous liyakunu min ashabi sa'ir, afin qu'il fasse partie des gens du combustible, du mada, de la fournaise. Afin qu'il fasse partie des gens de la fournaise. Celui qui sait qu'il a un ennemi tel que celui-ci, il se prépare. Et lorsqu'il y a la guerre entre deux parties, ils étudient la stratégie, les stratégies de l'autre. Chacun étudie la force, la puissance, ce qu'il possède, ce qu'il est capable de faire, d'où est-ce qu'il peut entrer, d'où est-ce qu'il peut nous atteindre, nous attaquer. De la même façon, nous, on doit connaître les shayatins. On doit connaître les shayatins. On doit étudier quels sont les moyens, leurs moyens de nous atteindre. Et Allah nous a expliqué cela dans le Coran. Le prophète nous a expliqué cela dans la Sunna. Et les ulama ont écrit dans cela par la suite, en reprenant cela. Et parmi les meilleurs livres, Irathatul Lahfan. Irathatul Lahfan d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Irathatul Lahfan. Naam. Walamma علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم أمدهم بعساكر جند يلقونه بها وأمد عدوه أيضا بجند وعساكر يلقاه بها وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه صفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو أي الله وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة أي الجنة وإلى من جرى على يديه هذا العقد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه ثم أكد سبحانه معهم هذا الآن بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Puisqu'Allah savait que Adam et sa descendance seraient éprouvés par cet ennemi, il leur a soumis des troupes et armées pour l'affronter. Mais il a également attribué à leur ennemi des troupes et armées pour les affronter. Et il a établi le champ de bataille en ce bas monde pour le temps de l'existence qui est comparable, qui est en comparaison de l'au-delà, tel un seul de ses souffles. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Allah Azza wa Jal a su que Adam allait avoir un ennemi et que la descendance de Adam, c'est-à-dire nous-mêmes, allions avoir des ennemis, Shaytan et ses troupes. Alors Allah Azza wa Jal a mis avec Ibn Adam une armée, l'armée du bien, pour pouvoir combattre l'armée du mal, Shaytan et ses troupes. Donc chacun a une armée. Al-Mu'min, il a une armée. Al-Mu'min, il a une armée. Al-Shaytan également a une armée. Et Allah Azza wa Jal a fait que ce bas monde soit un champ de bataille. Allah Azza wa Jal a fait que ce bas monde soit un champ de bataille entre toi et Shaytan. Entre toi et ce que tu vas utiliser avec toi, et Shaytan et ce qu'il va utiliser contre toi. Et ça, le temps de ce bas monde. Il nous dit le temps de ce bas monde est en comparaison au temps de l'au-delà, comme un seul de ses souffles. Il a accordé aux croyants, au prix de leur personne et leur bien, de leur offrir le paradis. Ils font des efforts dans le sentier d'Allah et ils combattent. Et il est mentionné que la promesse est établie dans le plus noble de ces livres, dans les plus nobles de ces livres qui sont la Torah, qui a été révélée à Moussa alayhi salam, l'Injil, l'Évangile, qui a été révélée à Isa alayhi salam, et le Coran, qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait la promesse aux croyants qu'ils auront comme finalité le paradis. Il a aussi informé du fait que personne ne respecte son engagement plus que lui. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il promet une chose, il l'accorde tout le temps. Puis il leur a ordonné de se réjouir de cette transaction. Il y a eu une vente, il y a eu un achat, il y a un commerce qui est fait. C'est quoi ce commerce? Entre qui et qui? Ce commerce, il est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Et c'est lui le riche, c'est lui qui donne avec largesse. Et si tu veux connaître la valeur de ce commerce et de cet achat, tu n'as qu'à regarder et méditer qui est l'acquéreur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le prix à payer pour cette marchandise et qui est-ce qui a contracté ce contrat? On t'a envoyé le meilleur des prophètes et messagers pour faire ce contrat, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Existe-t-il une réussite plus grande que celle-ci? Existe-t-il un commerce plus profitable que celui-ci? Puisqu'Allah a appuyé cela en disant, sous la traduction, ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Ça, c'est le commerce avec Allah. Ça, c'est l'adoration, et tawhid, et tiba'a sunnah. C'est le fait d'endurer dans ce bas monde, de délaisser les péchés. Ça, c'est le commerce entre toi et Allah Azza wa Jalla. Allah achète cela. Et il t'envoie une personne pour faire ce contrat. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en échange, on te donne quoi? Le paradis. Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Croyez en Allah et en son messager et combattez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez. Un secours d'Allah et une victoire prochaine et annonce la bonne nouvelle aux croyants. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد حب إليه أحب إلا أن الجهاد حب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفة ومحبة وعبودية والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعقب بعضهم بعضا وكلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. Allah n'a pas soumis cet ennemi à son serviteur croyant qui est pourtant la plus aimée de ses créatures. Ibn Khaym nous dit, la chose la plus noble chez Allah, c'est le croyant. Pourtant, il lui a assigné un ennemi qu'il doit combattre. Pourquoi? Parce qu'une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est la dispute et le combat entre le croyant et Shaytan. Le combat entre le croyant et Shaytan. Non. Et du fait que Shaytan t'agresse, et tente de te faire entrer en enfer et déploie son armée et ses troupes pour te faire désobéir Allah Azza wa Jal, et quoi, et que toi tu le combats avec la prière, avec la science, avec le tawhid, avec la sunnah, avec la prière, avec l'endurance, avec le siyam, avec l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, avec l'endurance, Allah aime voir ces adorations de ta part. Allah aime voir ces adorations de ta part. Donc la création du shaitan, il y a une sagesse derrière ça. Et tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse dedans et il y a un bien dedans. Ainsi, en réussissant ce combat contre Shaytan, Allah Azza wa Jal t'accorde le plus haut des degrés. Et cette guerre est établie. Le cœur qui est le lieu de sa connaissance, de l'amour, de la servitude, de la sincérité, de la confiance et de la repentance qu'on lui voue, il a donc confié l'étendard de cette guerre et l'a soutenu par une armée d'anges qui ne le quittent jamais. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ton soutien. C'est celui qui t'apporte le secours, d'Allah, qui t'apporte le secours. Et il a mis auprès de toi des anges qui ne te quittent jamais. Il l'a soutenu par une armée d'anges qui ne le quittent jamais. Donc ici, Ibn al-Qayyim fait ressembler l'effort que doit faire le croyant pour supporter les tentations du shaitan, il peut ressembler ça à une guerre entre toi et Iblis. L'homme a autour de lui des anges qui se relaient, qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. Il se relaie chaque fois qu'un groupe part, un autre arrive. Il le renforce, lui commande le bien. Lorsque tu es une personne de bien, les anges viennent et te poussent au bien. Quand tu fais une bonne action, ils t'encouragent à faire une seconde. Quand tu fais la seconde, ils t'encouragent à une troisième et ça ne s'arrête pas. Quant à celui qui est dans les péchés, lorsqu'il fait un péché, un shaitan lui vient et l'encourage un second. Quand il fait un second, shaitan lui revient et l'encourage un troisième. Et son assise, c'est les shayatin, parmi les humains et parmi les démons. Quant à toi, tes assises, lorsque tu es dans la salat, lorsque tu es dans les assises de science, toi, ce sont les anges qui te poussent au bien, comme c'est venu dans les différents hadiths. Ils l'incitent au bien, lui promettent la générosité d'Allah. Ils le soutiennent et lui disent, il n'est question que de patienter un instant et tu te reposeras ensuite pour l'éternité. Subhanallah. Tu es dans ce bas monde, tu fais un effort un seul instant, le temps d'une vie, et ensuite pour l'éternité tu te reposes au paradis. Les anges t'encouragent dans cela. Ça, c'est la première armée qu'Allah t'a donnée pour combattre Shaitan, les anges. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: "Thumma amadahu subhanahu al-qa'im bi hadhihi al-harb bil-quwwa adh-dhahirati wal-batin." Avant ça, "Thumma amadahu subhanahu bijundin akhar min wahyi wa kalami." Puis Allah l'a soutenu par une autre armée en sa révélation et sa parole. Et il a ainsi suscité son messager et lui a révélé son livre, ajoutant ainsi à sa force des soutiens et son attirail. Ibn al-Qayyim nous dit, Allah Azza wa Jalla t'a renforcé encore par d'autres armes. Il a révélé le Coran et il t'a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam qui te transmet tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est encore une autre armée qui est imbattable. C'est encore une autre armée qui est imbattable. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ كِتَابًا. Donc il a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a révélé son livre le Coran. فَازْدَادَ قُوَّةً إِلَى قُوَّةِ. Ainsi toi, tu as ajouté force à ta force. وَمَدَدًا إِلَى مَدَدِ. On a ajouté des soutiens et un attirail en plus de l'armée que tu avais déjà parmi les anges. وَأَعْوَانًا إِلَى أَعْوَانِ. Une aide supplémentaire à l'aide que tu avais déjà. وَعِدَةً إِلَى عِدَةِ. وَأَيَّدَهُ مَعَ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ وَزِيرًا لَهُ وَمُدَبِّرًا. Il l'a renforcé aussi par la raison qui est pour lui tel un ministre et un gestionnaire, par la connaissance qui le conseille, par la foi qui le renforce, le soutien et le secours, et la certitude qui lui révèle la réalité des choses au point qu'il agit comme s'il voyait ce qu'Allah a promis à ses alliés, le paradis, son parti pour avoir combattu ses ennemis, Shayatin. Ainsi la raison administre son armée. La connaissance met en place les techniques militaires qui conviennent, la foi l'affermit, le renforce et le fait patienter, et la certitude le fait avancer et lui fait voir les choses telles qu'elles sont et réellement. وبال معرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعين ما وعد الله تعالى بأوليائه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر له أمر جيشه والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها والإيمان يثبت ويقويه ويبصره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ابن القيم رحمه الله تعالى nous montre tous les soutiens qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde. Les anges, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui on a révélé le Coran. Allah Azza wa Jalla t'a renforcé aussi par la raison. La raison, cette chose qui te permet de distinguer le bien du mal, les causes qui permettent d'atteindre le bien, les causes qui amènent au mal. Tu empruntes donc le chemin du bien et tu te prémunis et t'éloignes du chemin du mal. Il te dit la raison pour toi, c'est comme un ministre qui va gérer toutes les affaires. Et aussi on te donne encore une autre aide, et une autre armée qui est quoi? Elle est yakine, la certitude. À un point que tu vas agir comme si tu voyais de tes propres yeux le paradis qu'on t'a promis. Et le secours qu'Allah Azza wa Jal t'a promis. Ainsi la raison administre son armée. La connaissance met en place les techniques militaires qui conviennent. La foi affermie le renforce et le fait patienter. Et la certitude le fait avancer et lui fait voir les choses telles qu'elles sont et réellement. ثم أمد سبحانه القائمة بهذه الحرب بالقوة الظاهرة والباطنة فجعل العين طالعة والأذن صاحب خبر واللسان ترجمان واليدين والرجلين أعوان وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. Puis Allah a soutenu celui qui prenait part à cette guerre par la force apparente et cachée. De quelle guerre s'agit-il? Il s'agit de la guerre entre toi et le Satan. La guerre entre toi et le Satan. Satan, son but, c'est de t'atteindre au cœur par les passions et les ambiguïtés. Puis de faire de toi son prisonnier et de t'emmener dans la prison de l'enfer, Iyadan Billah. Et toi, tu le combats, tu te délies de ses chaînes et tu te sauves et te prémunis par le dhikr, par l'évocation d'Allah, par la prière et l'endurance, afin de pouvoir te sauver et finalement accéder au paradis d'Allah. Ibn al-Qayyim nous dit, puis Allah a soutenu celui qui prenait part à cette guerre. Celui qui fait la guerre contre Shaitan, c'est le croyant. Celui qui craint Allah. Quant aux autres, ils se sont soumis au Shaitan. Ils ont baissé la garde. Ils ont posé les armes. Et ont fait un pacte avec le Shaitan. Et ils ont accepté d'être ses alliés. Et de travailler pour lui pour rester en vie. Mais en réalité, il a tué leur cœur. Et leurs corps sont des tombeaux pour leur cœur, Iyadan Billah. Ça, c'est dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, ils auront la même destination que lui, l'enfer, Iyadan Billah. Sauf les croyants faibles parmi eux, qui s'ils entrent en enfer, Allah Azza wa Jalla les fera sortir par sa miséricorde du fait qu'ils avaient le tawhid. Ainsi, il a fait de Taïb. Puis Allah a soutenu celui qui prenait part à cette guerre par la force apparente et cachée. Ainsi, il a fait de l'œil son avant-garde, de l'oreille son informateur, de la langue son traducteur, des deux mains et deux pieds ses soutiens. Et il a ordonné à ses anges et aux porteurs du trône de demander pour lui le pardon. De demander pour lui le pardon, comme dans Surat Raf. La préservation contre les mauvaises actions, comme dans Surat Raf. Et de l'entrée des jardins du paradis, également dans Surat Rafir. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de sa protection en disant « Voilà mon parti. » Et les adeptes du parti d'Allah sont ceux qui réussissent. Ils sont le parti d'Allah, n'est-ce pas? N'est-ce pas que les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent? Dans Surat Al-Mujadila. Et nos troupes remporteront la victoire. Dans Surat Saffat. وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد فجمع لهم في أربعة كلمات. الله سبحانه وتعالى في القرآن nous a décrit à ses serviteurs le déroulement de cette guerre entre nous et Shaitan. Et il a rassemblé cela en quatre mots. Il y a quatre provisions. Celui qui les a, les réunit, il va remporter la guerre contre Shaitan. Donc concentrez-vous et méditez cela. C'est dans le dernier verset de Sourate Ali Imran. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, patientez dans l'obéissance, endurez, soyez vigilants et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Tu ne pourras concrétiser ta guerre contre ton ennemi al-shaytan si ce n'est en ayant ces quatre points-là. فَلَا تِمُّ لَهُ الصَّبْرُ إِلَّا بِالْمُصَابَرَةِ الْعَدُوِ وَهِيَ مُقَاوَمَةُ وَمُنَازَلَتُهُ فَإِذَا صَابَ عَدُوَّهُ يحتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة ويلزم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليدين والرجل فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le combat contre Shaytan ne pourra complètement être réalisé que par ces quatre choses. Ainsi, la patience n'est complète que par l'endurance face à l'ennemi. Donc tu dois endurer dans l'obéissance d'Allah. Tu dois endurer devant la désobéissance d'Allah, qui se réalise par le cœur et sa protection. Si tu veux être fort devant ton ennemi, il faut que tu protèges le cœur. Parce que Shaytan, la première chose qu'il vise, c'est ton cœur. Et il engraine ses alliés à viser le cœur. Et il leur dit, si vous visez le cœur, vous avez gagné la bataille. Non ? Si vous visez le cœur, vous avez gagné la bataille. Donc toi, tu dois monter la garde devant ce cœur. Tu dois le renforcer, mettre un bouclier et y mettre des gardes qui ne quitteront jamais leur position. Le combattre et l'arrêter. Tu dois combattre ton ennemi et l'arrêter. Protéger ce cœur. Et si on endure l'ennemi, on a besoin d'une autre chose, qui est la surveillance des frontières. Ça ne suffit pas de combattre l'ennemi. Tu dois aussi mettre un territoire délimité pour prémunir ses attaques. N'est-ce pas? Ce qu'ils appellent des gardes frontières. Tu dois mettre des gens à ces positions stratégiques pour que l'ennemi ne puisse pénétrer avec son armée. Quelles sont ces frontières? L'œil, l'oreille, la langue, le ventre, la main, le pied. Car l'ennemi pénètre par ses frontières et corrompt tout ce qu'il peut. Retenez cela. Le but du shaytan, c'est le cœur. S'il trouve que le cœur est protégé, s'il trouve que le cœur est yani, sous haute surveillance, il ne se décourage pas. Et il dit à ses alliés, on va chercher un moyen d'atteindre ce cœur en faisant faiblir les autres membres de son armée. Et lorsqu'on aura réussi soit à faire tomber l'arrière-garde ou l'avant-garde ou les faire faiblir, alors à ce moment-là, on se rapprochera petit à petit du milieu. On se rapprochera petit à petit du but qui est quoi? Qui est le cœur. Quels sont ces membres qu'il va tenter d'assassiner, sinon de blesser, sinon d'affaiblir? Ce sont les membres d'Ibn Adam. Ce sont les différentes parties d'Ibn Adam. Avec l'œil, il va essayer de le faire tomber dans le haram. Vous comprenez? Avec l'oreille, il va essayer de le faire écouter le haram. Avec la langue, il essaie de lui faire dire le haram. Avec le sexe, il essaie de le faire tomber dans le haram. Avec le ventre, essayer de faire le consommer le haram. Avec la main et le pied, prendre et aller dans les endroits qui sont haram. C'est cela la méthode du shaytan pour atteindre le cœur. Car l'ennemi pénètre par ses frontières et corrompt tout ce qu'il peut. La surveillance consiste donc à garder ses frontières et ne pas les laisser sans surveillance, si bien que l'ennemi y trouve la voie libre et s'y engouffre. Là, c'est une science indispensable à chacun d'entre nous. C'est de savoir que Shaytan, son but, c'est le cœur. Et s'il trouve une armée qui protège le cœur, il ordonne de passer par d'autres frontières et de chercher une brèche pour y pénétrer. Comment faire ? Utiliser le regard de l'homme, l'ouïe de l'homme, les mains, les pieds, le ventre, tout ce vers quoi il pourrait le faire, tout ce avec quoi il pourrait le faire tomber dans le haram. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان مكان الله أكبر. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit: les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Ils sont les plus protégés et préservés du shaitan. Mais ils ont délaissé leur position qu'on leur a ordonné de garder lors de la bataille de Uhud. Comme on a étudié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a placé les membres de l'armée, il a mis Mada, qui est-ce? Jubayr. Jubayr a mis un sahabi sur un petit mont et il leur a dit: ne bougez pas de vos positions. Ne bougez pas de vos positions. Lorsque les musulmans ont vu que le prophète sallam et son armée avaient pris lorsque ce petit bataillon sur le mont ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam avait pris le dessus sur les associateurs et qu'ils avaient commencé à prendre la fuite, suite à un effort de réflexion, ils ont désobéi à l'ordre. Ils sont descendus de leur position. Ils sont descendus du mont. Que s'est-il donc passé? Khalid ibn Walid radiallahu anhu a vu cette erreur. Il a donc contourné le bataillon. Il s'est emparé de cette position, les a tués, puis il a pu faire subir un lourd tribut par la suite aux musulmans. Ce sont des gens pieux qui, suite à un effort de réflexion, ils n'ont pas voulu désobéir. Non, mais ils ont pensé que la bataille était gagnée. Suite à cette petite désobéissance, il y a eu de lourdes conséquences. Hamza radiallahu anhu, l'oncle du prophète sallam, a subi ce qu'il a subi. 70 parmi les compagnons ont subi ce qu'ils ont subi. Le prophète alayhi salatu wassalam a subi ce qu'il a subi. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ibn al-Qayyim nous montre, regardez, une petite désobéissance suite à un effort de réflexion par les meilleurs des hommes. Regardez les conséquences. Ils ont abandonné la position. Alors si toi, Ibn Adam, faible comme nous sommes, nous, à notre époque, si on abandonne la garde, si on abandonne les positions, on ne monte pas la garde des yeux, des mains, des membres, des parties intimes, de la langue, des oreilles et autres, que va faire Shaitan de nous et dans quoi est-ce qu'on tombera? Quelles en seront les conséquences? Bien pire, sans aucun doute. Puis Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit: وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله الصبر المصابرة المرابطة. Ces trois choses là, ce qui réunit tous ces sens là, Ibn Qayyim nous dit c'est taqwa, c'est de faire ce qu'Allah nous a commandé en espérant sa récompense avec science et de délaisser ce qui nous a interdit par peur de son châtiment avec science. C'est ça être taqwa. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى. Tout cela ne servira à rien si ce n'est avec la piété. ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. Et la piété ne peut tenir debout si ce n'est sur le tronc de l'endurance. Si ce n'est sur le tronc de l'endurance. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين. Maintenant Ibn Qayyim va nous raconter il nous raconte la guerre. Entre toi et Al-Shaytan, entre toi et ton armée, et Shaytan et son armée, il nous dit: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين. Là il te montre, lorsque tu arrives avec ton armée, que Shaytan est arrivé avec son armée, et maintenant vous êtes en ligne, vous êtes en rang, et l'un va se jeter sur l'autre, et l'autre va se jeter sur l'autre. كيف تدا مرة ويدال عليك مرة أخرى. Observe maintenant en toi la rencontre des deux armes. l'alignement des deux troupes et la manière dont cela est parfois favorable et parfois défavorable. Lorsqu'il y a la guerre entre deux pays, parfois un remporte, parfois l'autre la remporte, cette guerre. Ben, entre toi et Shaytan, c'est ainsi. Parfois tu remportes la bataille, parfois il remporte la bataille. Plutôt la bataille, le terme adéquat, c'est la bataille. Et à la fin, la guerre sera remportée par l'un des deux parties, par l'une des deux armées. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره فوجد القلب في حسنه جالسا على كرسي مملكته وأمر نافذ في أعوانه أي الجوال وجند قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه فسأل عن أخص جند به وأقربهم منه منزله فقيل له هي النفس فقال لأعوان ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها ما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاتيفها ثم جروها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا الله أكبر عجيب جدا ابن القيم رحمه الله تعالى décrit ici le stratège et le plan d'action du shaitan et les ordres qu'il donne au shayatin pour t'atteindre et remporter cette bataille. Il dit, voici le roi des mécréants qui s'est présenté avec ses troupes et son armée. C'est qui? C'est Safan. Il est venu avec son armée. Il a trouvé un cœur en sa citadelle. C'est qui son ennemi? C'est toi. Et c'est qui le chef de cette armée? C'est le Khalb. Non? Il l'a trouvé dans une chose qui le protège, dans une citadelle. Assis sur son trône et son royaume. Imaginez cette scène. Il trouve quoi? Il trouve le cœur. Ce cœur-là est sur un trône. Et ce cœur-là est sur son trône et il est protégé. Il y a une armée autour de lui. Et en plus, il est dans une citadelle. Assis sur son trône, sur le trône de son royaume. Obéi de ses partisans. Entouré par son armée qui combat pour lui et le protège. Ainsi, il ne pouvait être assailli que par la trahison de l'un de ses membres. Allahu Akbar. Al-Shaytan, lorsqu'il arrive avec son armée, il veut viser le cœur pour le tuer, n'est-ce pas? Quand il arrive, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un cœur sur son trône. Ce trône-là, dans une citadelle. Cette citadelle-là, entourée d'une armée qu'il ne peut battre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas l'attaquer. Qu'est-ce qu'il dit à ses partisans? La trahison. La seule manière de l'atteindre, c'est de soudoyer, c'est d'acheter certains militaires et certains chefs de bataillon pour qu'ils quittent leur position. Et lorsqu'ils vont quitter leur position, il y aura un passage pour nous. Qu'est-ce qu'il entend par ces positions-là? Qu'est-ce qu'il entend par ces ministres-là? C'est les membres. Donc si vous arrivez à atteindre l'œil, faire tomber dans le haram, c'est bon, vous allez trouver un chemin vers le cœur. Si vous arrivez à trouver la main, à trouver le pied, le sexe de la personne et autres, tout ce par quoi il peut trouver dans le haram, à ce moment-là, il y aura un passage vers le cœur. Il y aura un passage pour atteindre le roi, qui est le cœur. Donc, ainsi il ne pouvait être assailli que par la trahison des membres de la cour, de sa cour et de son armée. L'ennemi demanda, quel membre de l'armée est le plus proche de lui ? Qu'est-ce qu'il faut payer pour qu'il trahisse son cœur, le chef de l'armée ? Ils lui ont dit, c'est qui ? C'est son nafs. C'est l'âme de la personne, c'est son nafs. Alors, Al-Shaytan dit à ses partisans, introduisez-vous en elle par le bien de sa volonté. Voyez ce qu'elle aime. Al-Shaytan dit à ses partisans, allez auprès de son âme et observez-la, étudiez-la et regardez ce qui la fait pencher. Cette âme-là, elle aime quoi ? Non ? Si elle aime les passions, faites-le tomber dans les passions. Si elle aime l'adoration, faites-le tomber dans la bid'a. Faites-le tomber dans l'exagération. S'il aime le dhikr, faites-le tomber dans l'innovation. Inventez-lui un dhikr 10 000 fois. Allah, Allah, Allah. Faites-le tomber dans le soufisme. Al-Shaytan envoie ses troupes auprès de l'âme et dit à ses troupes, étudiez cette âme-là et regardez ce qui lui plaît. Puis rentrez par la porte de ce qu'elle aime. Achetez-la avec ce qu'elle aime en la faisant fauter par cette exagération-là ou bien ce laxisme. Si on voit que c'est une âme qui est droite et qui aime l'adoration, on la fait tomber dans l'exagération et l'innovation. Si c'est une âme qui a du laxisme et qui est faible, on la fait tomber dans quoi ? Dans les passions. Et dans les péchés. Voyez ce qu'elle aime et attaquez-la par cela. Faites-lui désirer, gravez l'apparence de ce qu'elle aime en son éveil, en son sommeil. Et Shaytan dit à ses partisans, faites-lui toujours penser à ce qu'il aime et faites-le tomber dans la passion. Quand il dort, il va penser à ça. Quand il se réveille, il va penser à ça. Lorsqu'elle sera établie et apaisée auprès de lui, lancez vers elle les crochets, les harpons des désirs. Donc c'est graduellement. Ce sont les pas du shaytan. D'abord, elle s'introduit auprès de l'âme. Ensuite, on étudie. Qu'est-ce qu'elle aime ? Ensuite, on lui fait penser à cette chose qui ne le quittera plus. Lorsqu'il commence à prendre l'habitude de voir cette mauvaise chose, à ce moment-là, on lance la trappe. À ce moment-là, on lance le filet. À ce moment-là, on lance le harpon. Par quelle porte ? Par la porte des désirs. Ensuite, tirez-la à vous. Et lorsqu'elle aura trahi le cœur, lorsque son âme aura trahi le cœur, lorsque l'âme aura répondu à ses désirs, aux passions haram, et qu'elle vous aura rejoint contre lui, parce que si la personne tombe dans les péchés, maintenant c'est un allié du shaytan. À ce moment-là, shaytan s'allie et fait un pacte avec l'âme de la personne pour détruire le cœur. Pour détruire l'humain. Et qu'elle vous aura rejoint contre lui, prenez possession des brèches de l'oreille. Prenez possession des brèches de la langue, de la bouche, de la main et du pied. Donc lorsque l'âme aura faibli, tous ces petits bataillons qui montaient la garde auprès de l'œil, auprès de l'oreille et ainsi de suite, ils vont faiblir. Donc ils vont pouvoir ébrécher cet endroit-là. Et petit à petit, il va grappiller du terrain jusqu'à se rapprocher du cœur de Ibn Adam. Guettez donc incessamment ces brèches. Et lorsque vous serez introduit par celle-ci autour du cœur, il sera tué. Khalas, il n'y a plus la garde autour du cœur. Il n'y a plus qu'à viser le cœur. Il sera tué ou capturé, ou totalement couvert de blessures. Ne délaissez donc pas ces brèches. Et laissez aucun escadron y entrer pour parvenir au cœur et vous en chasser. Et si vous y parvenez, si vous n'y parvenez pas, vous n'arrivez pas à tuer le cœur, essayez d'affaiblir cet escadron afin qu'il ne parvienne pas au cœur. Et même s'il parvient, ça sera affaibli sans que cela ne soit d'aucune utilité. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a donc dit à ses alliés de ne rien laisser atteindre le cœur pour l'aider, le protéger. Par exemple, l'écoute du Coran, les assises de science, la salat, le rappel. empêcher toute cette lumière d'atteindre le cœur. Pendant ce temps-là, son armée rend, yani, du terrain, gagne du terrain et s'approche du cœur. Si vous contrôlez, avant ça, lorsqu'elle sera établie et apaisée auprès de lui, lancez vers lui les crochets. Guettez donc incessamment ses brèches. Et lorsque vous serez introduit par celle-ci auprès du cœur, il sera tué, capturé ou totalement couvert de blessures. Ne délaissez donc pas ces brèches. Ne laissez aucun escadron y entrer pour parvenir au cœur et vous en chasser. Le shaitan fait tout pour qu'aucun bien ne parvienne à ton cœur, car en renforçant ton cœur par la crainte d'Allah, par l'amour d'Allah, par la connaissance d'Allah, tu te renforces et cette armée, elle devient plus forte. Et si vous n'y parvenez pas, si vous n'arrivez pas à chasser de son cœur tout le bien, la connaissance d'Allah, les instituts de science, la prière, les bonnes actions, alors essayez d'affaiblir cet escadron. Essayez de faire en sorte que ces bonnes actions, il les pratique, mais pas comme il le faudrait. Par exemple, il vient dans une assise de science, un shaitan ordonne à son escadron de le faire faiblir. Comment ? Il s'assit mais il n'écrit pas, par exemple. Fais en sorte qu'il n'écrive pas. Il s'assit mais il n'est pas concentré. Il s'assit mais il reste dans son téléphone. Donc si shaitan n'arrive pas à faire en sorte que tu ne viennes pas au cours, tu viens au cours, mais dans le cours il va te distraire en te faisant penser à telle chose, en te faisant utiliser ton téléphone, en faisant en sorte que tu n'écrives pas ce qui est important, que tu ne retiennes pas, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple. Au final, le bien qui atteint le cœur, au final, il atteint le cœur, mais il est très faible. La lumière qui parvient au cœur, elle est très faible. Et si vous contrôlez ces brèches, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard contemplatif. Mais faites en sorte que son regard se porte sur les jouissances et futilités. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité tous les membres, ou bien plusieurs membres, et il a cité ces différentes brèches qu'utilise le shaitan pour nous nuire. Avant ça, si vous contrôlez ces brèches, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard contemplatif, mais faites en sorte que son regard se porte sur les réjouissances et futilités. S'il s'élève au niveau du regard contemplatif, détruisez cela par le regard de l'insouciance et du désir, car cela est plus proche, plus attaché et plus facile à lui. Voyez bien la brèche de l'œil, car c'est par elle que vous atteindrez votre objectif. Je n'ai rien détérioré chez le fils de Adam de semblable à l'œil. Oui, on laissera cela pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite donc la guerre qu'il y a entre Shaytan et Ibn Adam. Et là, il est en train de décrire la stratégie empruntée par Shaytan et ce qu'il dicte à ses troupes pour atteindre le but premier qui est le cœur de l'homme. Car il sait que s'il atteint le cœur de l'homme, l'homme meurt. S'il n'arrive pas à atteindre le cœur de l'homme, alors il essaye de passer par une brèche. Cette brèche, c'est la vue de l'homme, l'ouïe de l'homme, les mains, les pieds, le sexe de l'homme et ainsi de suite. Il essaye de tenter l'homme et de le faire tomber dans le haram. Lorsque l'homme tombe dans le haram, il ne monte plus la garde devant ces membres-là. Ainsi, le shaitan trouve une porte d'entrée vers le cœur. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala va donc parler de la brèche de l'œil, de la brèche de l'oreille, de la brèche de la langue. Et il va montrer comment est-ce que shaitan s'introduit et fait s'introduire son armée par ces endroits-là jusqu'à la fin, réussir à atteindre le cœur d'Ibn Adam. Cette science que nous donne ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a la plus grande importance. Pourquoi ? Parce que Allah nous a informé dans le Coran que Shaytan c'est notre ennemi déclaré. Et qu'il nous voit lui et ses semblables d'où nous on ne les voit pas. Donc Ibn Adam doit apprendre à se défendre contre Shaytan. Il doit savoir comment Shaytan s'introduit auprès de lui. Quelles sont les armes qu'utilise Shaytan contre lui. En étudiant cela et en cherchant l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal et la protection avant ça, il va pouvoir bi'idhnillah Azza wa Jal se prémunir du shaytan. Fa na'udhu billahi minash shaytanir rajim wa sallallahu ma baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل ما نتعلم حجة لنا ولا علينا اللهم اجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله Il y a une femme qui est venue à la mosquée et elle souhaite embrasser l'islam et se convertir. Après la prière, inshallah ta'ala, on va lui dicter l'attestation de foi et inshallah ta'ala, elle répétera cette parole par laquelle elle entrera bi'idhnillahi azza wa jal en islam. Walhamdulillahi rabbil alamin.